polémique et contrastée. Oui, si, oui, ça sera encore un autre sujet. Mais d'ailleurs, à l'image de Kirkman, hein, qui lui-même est un personnage créateur assez... de Deadpool, d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il a envie de faire partie de cet univers, de travailler dans cet univers. Initialement, il souhaitait être dessinateur, Kirkman. Il a réalisé bien vite qu'il n'était pas assez doué pour en faire sa profession et donc que ça serait plus logique pour lui d'écrire des histoires plutôt que de les dessiner. Il dit d'ailleurs que ça a été un très gros traumatisme personnel, une désillusion personnelle quand il a dû se rendre à cette évidence. Et c'est à partir de là où il a commencé à écrire des histoires et avoir le parcours qu'on lui connaît. C'est un très grand fan depuis toujours aussi de l'univers Marvel, Kirkman, je pense, et notamment, on le sait, de Spider-Man en particulier, au sein de l'univers Marvel, et je pense que cette appétence qu'il a pour cet univers-là et son côté extrêmement feuilletonnant, voire soap, tel que l'a imprimé Stan Lee dans les années 60, c'est quelque chose qu'on voit apparaître pas mal dans ses œuvres, telles que The Walking Dead et surtout Invincible. Donc, on n'est pas là pour parler d'Invincible, mais voilà. Alors, on va en parler quand même, hein, parce que c'est vraiment pour moi c'est formidable. L'Axis Mundi de l'univers de Robert Kirkman. Océan Zerbini, est-ce qu'on pourrait définir un style image comics en comparaison avec celui de DC ou de Marvel? Pas de compromis. Et ça, à mon sens, c'est une des choses aussi qui m'a fait beaucoup aimer Image Comics, c'est qu'en fait, quand j'ai découvert Walking Dead, c'était à ma médiathèque, et en fait, il y avait plus de bouquins d'Image Comics que de Marvel et de DC réunis. Et c'est pour ça que, assez jeune, en fait, j'ai découvert beaucoup d'Image Comics, et j'ai trouvé une liberté de ton que je ne trouvais pas forcément dans le Marvel ou dans le DC qui était disponible à ce moment-là, en fait. Et quand on parle de liberté de ton et de ce côté jusqu'au boutiste, c'est-à-dire qu'en fait Image Comics osait montrer des choses que Marvel ou DC avaient peut-être quelques scrupules. En matière de violence graphique, de sexe, de langage aussi, ça poussait tous les curseurs un peu plus loin que ce que le faisaient Marvel et DC. Et c'est pour ça que c'était assez rafraîchissant de balancer entre les deux. Pour moi, je lisais vraiment à la fois du Marvel avec un ton un petit peu plus safe et en même temps Image Comics qui était un petit peu plus libre. Libéré à ce niveau-là. Sullivan, Robert Kirkman, quel est le premier comics qu'il a lancé et qu'il a fait connaître? Le premier comics. Vous avez 10 secondes, mon vieux. Ouais, moi je dirais Battle Pop, en réalité. Premier, ouais. Mais pour lui, c'est une grande blessure encore. Non pas qu'il en ait des milliards. Pourtant, mais... un pitch de génial de départ. Hein. Ouais, tout à fait. Bah, c'est un pape de baston, quoi. Il faut vraiment que les auditeurs comprennent. Imaginez le pape sous stéroïdes. Tout à fait. Qui met des mandales. Alors évidemment, il y a quelque chose de complètement antinomique, mais c'est à voir. Dieu est amour ou je cogne. Hein, vrai physique de catcheur et tout. BD d'humour, parce qu'en fait, Kirkman, bon, là, Walking Dead, c'est quand même quelque chose de très dramatique, même si c'est matinée d'un peu d'humour de temps en temps, mais c'est un mec très marrant, Robert Kirkman, dans la vie et tout, c'est un mec qui aime bien rigoler. Et c'est vrai que du coup, Battle Pop était vraiment dans ce ton. Alors, c'est pas tout à fait de la parodie, parce qu'en plus, pour un Américain, je trouve qu'il a une facilité à aborder des thèmes un peu... iconoclaste presque, enfin là pour le coup Battle Pop ça l'est littéralement, mais il est moins effectivement dans le service que peuvent l'être Marvel DC ou même d'autres auteurs qui vont travailler pour Image aujourd'hui et qui eux ont cette liberté de ton a priori qui leur est offerte. Lui il aime bien la gaudriole et tout ça, et Battle Pop il y a presque même une influence très franco-belge en fait, si on remonte à des Gottlieb et tout ça, enfin moi j'y vois vraiment un lien avec ces dessinateurs là Kurtzman également, sur Mad et ce genre de choses tout à fait, ouais, puis Mad forcément qui est leur version de l'humour. Une filiation évidente avec le Savage Dragon de Eric Larson, c'est-à-dire que je trouve que Kirkman, l'influence d'Eric Larson et de ce personnage Savage Dragon en français bien chelou, elle semble comme assez évidente, à la fois même dans les dessinateurs qu'il choisit, mais aussi dans cette manière très sobre de raconter les histoires. Tout à fait, ouais. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui c'est les deux boss d'Image Comics, puisqu'en fait les 7 fantastiques dont on parlait tout à l'heure, il en reste plus beaucoup, il reste McFarlane, donc et Spawn, le père de Spawn, qui est lui le big boss, mais aujourd'hui Image, et c'est là où je parlais de deux temps tout à l'heure, est devenu en fait un Eldorado pour tous les artistes qui veulent travailler de manière indépendante aujourd'hui, et Larsen et Kirkman en sont tous les deux des dirigeants, alors que Jim Valentino, Mark Silvestri, Rob Liefeld, tout ça sont partis entre temps, ou Jim Lee lui qui est reparti chez DC pour reprendre un rôle là-bas. Mais effectivement, en plus, il me semble, enfin toi Thierry, tu dois savoir parce que tu étais très ami avec Eric, mais ils sont assez potes, non, Kirkman et Larsen. Oui, en fait, Kirkman ou McFarlane, tu veux dire peut-être, non, Larsen ou. Non, je parle de Larsen. Larsen et oui, ils se connaissent très très bien, n'ont pas eu l'occasion de vraiment travailler beaucoup ensemble, mais on les retrouve aujourd'hui dans un certain nombre de grandes décisions qui peuvent être prises.

We've all done the worst kinds of things. On a été obligé de faire des choses horribles pour rester en vie. But we can still come back. Mais on peut encore s'en remettre. We're not too far gone. C'est pas désespéré. I know. Je le sais. We all. On peut encore. Can change. Changer. Alors, Charlie Adler a su faire évoluer voilà, son style tout au long de l'apparition de Walking Dead, mais est-ce que Robert Kirkman, lui, a su faire évoluer son histoire? Parce qu'on commence avec Rick Grimes qui sort du coma, parce que en tant que policier, on lui a tiré dessus un petit peu avant que l'épidémie se propage, et donc lui, quand il se réveille, il ne sait absolument pas ce qui s'est passé, et donc en fait, le lecteur adopte le point de vue de Rick Grimes qui se réveille dans ce monde où tout le monde est devenu zombie, et pour lui, il s'agit de rejoindre sa femme et son fils, et aussi de comprendre éventuellement ce qui s'est passé. Et on voit au fur et à mesure du comics que il y a différentes phases. Il y a un Rick de l'ancien monde, un peu idéaliste, puis on arrive à un Rick un peu plus cynique, puis un Rick plus pragmatique, qui a de nouveau de l'espoir. Il y a vraiment cette idée aussi de dépeindre les différentes évolutions de la psyché humaine en période de stress. Oui, d'ailleurs, Philippe c'est Gage. J'ai pris la parole. Non, c'est bien. Non, mais d'ailleurs, c'est marrant. Je parlais tout à l'heure de 20 jours plus tard de Danny Boyle. C'est bon, il y a quand même une ouverture qui est assez similaire entre The Walking Dead et le film de Boyle. Bon, peut-être que Kirkman a été un peu inspiré à ce niveau-là. Oh, c'est une grande inspiration. C'est très probable. Mais alors, et pour la suite, en effet, c'est très intéressant de voir comment, d'abord, on est dans un récit de survie. On est vraiment dans un pur survival. Et puis peu à peu, au fur et à mesure que Rick et ses alliés se constituent en communauté et rencontrent d'autres communautés plus ou moins sauvages, enfin qui ont plus ou moins basculé dans la sauvagerie, comme par exemple la communauté du gouverneur, qui pour moi est un personnage encore pire que Negan dans sa dinguerie absolue. Donc le gouverneur ou les sauveurs, qui est la communauté de Negan. Ou après, il faut préciser que dans Walking Dead, il y a une... D'ailleurs, je pense que c'est ce qui a expliqué le succès. Il y a une énorme réussite des figures de méchants. Parce qu'un comics n'est jamais aussi bien réussi que s'il y a un bon méchant. Et le gouverneur, tout comme Negan, sont vraiment des ordures que le lecteur se plaît à détester de bout en bout. Exactement. Mais après, Negan, par exemple, c'est très intéressant le traitement que Kirkman et Adler réservent à Negan. Et donc la série télé a repris ce principe-là. On croit vraiment à un moment... après ce que Negan va faire subir à ce pauvre Glenn avec sa batte Lucie, on croit vraiment qu'à un moment ou à un autre, ce type dégueulasse, cette ordure épouvantable va crever. Ça n'est pas possible. Ça peut pas être autrement. Il faut que la catharsis du récit nous amène à ça. Eh ben non. Finalement, Kirkman va choisir un autre destin pour Negan et le faire évoluer et finalement vers quelque chose de beaucoup plus intéressant que juste l'ultime salopard qu'on crève. C'est ce que les lecteurs de manga appellent le syndrome Vegeta. J'allais le dire. Et donc, juste pour rebondir sur votre question initiale, oui, c'est intéressant de voir comment d'un récit initial de survie, The Walking Dead se transforme peu à peu en étude anthropologique sur comment on arrive à reconstituer des groupes, à reconstituer une civilisation après une apocalypse où on a tous été tentés de renouer avec nos instincts les plus primaires, mais comment on va reconstruire une civilisation à partir de là. Et ça, c'est vraiment très intéressant d'observer ça au travers des destins des divers personnages. Océane Zerbini. Et justement, The Walking Dead tente toujours de reproduire des cellules familiales avec un père, une mère, les enfants, et on voit constamment que cette cellule, elle est mise à l'épreuve, qu'ils doivent tout le temps changer d'endroit pour survivre parce que les zombies prennent de l'avance, et parfois il y a une cellule familiale qui va vouloir se reconstruire en prison, et c'est l'un de mes arcs préférés parce que justement la prison, c'est l'endroit où on met les gens qui ont nui à la communauté, à la société, et c'est cet endroit qui va permettre de reconstruire quelque chose d'une société, même si ça ne dure pas. Il y a toujours ces tentatives, ces embryons, ils essaient toujours de reconstruire quelque chose, qu'on voit après à Alexandria notamment. Mais pour moi, l'arc de la prison, c'est vraiment le plus symbolique de la série, parce que c'est l'endroit où on dit que peu importe l'endroit où on veut construire quelque chose, on peut le faire tant qu'on veut essayer d'y arriver.